photographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. Sixième épisode. Nous avions un autre rendez-vous aujourd'hui? Je ne crois pas. C'est ma pause, c'est urgentissime. Excusez-moi, non, nous n'avions pas rendez-vous, c'est juste que je peux entrer un instant? Je ne préfère pas, je ne suis pas seule. Ah, ok, désolé. Ne faites pas l'enfant. Dites-moi alors. J'ai vu Giovanna et je n'ai pas réussi à lui demander de l'argent. Vous n'avez pas réussi à lui demander de l'aide, donc? Oui. Vous avez besoin d'elle, Olivier, comme elle a besoin de vous. Dites-vous qu'il s'agit d'un échange de bons procédés, d'accord? Mm-hmm. Maintenant, allez-y, j'ai peu de temps pour déjeuner. Bien sûr, merci. Et merci beaucoup. Oh non! Salut, Louis! Ça va, ta mère? Oui, ça va. Elle a rencontré quelqu'un. Enfin! Enfin, pardon. Je veux dire, c'est bien. Elle est bien, ta mère. Hein. Ouais, on verra. Il s'appelle Jean-Claude, il est vieux. Et Paul ne sortait pas à 13h aujourd'hui? Il y avait bac blanc, non? T'as raison, il doit être au stade. Je vais aller voir. Hein. Sinon, Louis, excuse-moi de te demander ça, mais t'as pas 100 euros sur toi? Non. Enfin, si, mais c'est pour payer la cantine. Vous avez besoin d'argent? Il faut demander à Nathan. C'est pour Christian Abdel. Paul m'a raconté ce matin, c'est compliqué la famille. Moi, ma mère, du côté de sa mère, elle a une tante qui un jour, comme ça, un matin, a quitté son mari, ses enfants et sa maison pour partir vivre en Sicile. Elle avait rencontré un type, genre gourou des familles, et il a dû lui dire des trucs genre « Toi, si belle, comme une plante sauvage et fière. » Et comme elle était moche comme un pou, bah elle l'a cru et elle l'a suivi. C'est trop bizarre les histoires de famille. Remarque-vous, monsieur, c'est pire avec votre oncle. Je vais au stade. Merci, Louis. Ça m'a fait du bien de parler avec toi. Embrasse ta mère. Ok. Bisous. Ouais. Pardon, mais si vous croisez ma mère, lui dites pas que je vous ai dit pour Jean-Claude. Je jurerais cracher. Paul! On avait dit 18h à la maison, il est que 16h30. Papa, s'il te plaît, il y a tout le monde. Mais il y a qui? Bah tout le monde. Bah, dis-moi qui, je distingue personne d'ici. Louis Latournerie, Nathan Blaché, Julien Aubert, Basile Courtois, Victor Hugo. Ah, t'es con, chérie. T'es con, mais t'es drôle. Fais-moi mon bisou. Non. Ah, ça sent fort le sable ici, non? Pourquoi t'as demandé de l'argent à Louis? Parce qu'il n'a pas de père, alors toi, tu t'ériges en substitut paternel. Comment tu sais? SMS de Louis. Ouais, je sais, c'est con. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui, papa. Oui, mais... reconnais que ça va mieux. J'ai fait des progrès. Des efforts aussi. Et des gros travaux dans l'appartement. C'est quand, la fin du bail? Avril 2014. Oh, bah ça va. Tu t'inquiétais, chérie? Ouais. Il y a Basile qui fait semblant de tuer Inès. Ça doit être pour te faire venir, hein. Oh, elle a grandi, Inès. Elle a l'air jolie, hein. Enfin d'ici, hein. Elle est hyper jolie. Excuse me. Pardon de déranger. Je... looking for... chercher, but what are you looking for? The Museum de la Nature. D'histoire naturelle? Yes! Ah. Oh my God, you're so sweet. Oh. It's so difficult to find someone like you. Nous vivons dans un monde so chaotic. Okay. So, you must take this street and cross the river straight on and after left... La rue Jussieu. Jussieu. Yes, straight on, and you'll find the Jardin des Plantes. The museum is there. Oh, wait a second. Here, it's for you. Oh, but... And don't say anything, it's an order. C'est beaucoup d'argent. I just give you an explanation, it's free. For me, it's not so much. I'm the ex-wife of Aga Khan. So 200 euros is pépite de chat. De chat. On dit pipi de chat. Pépite de chat. Bon ben, merci, ça tombe bien parce que j'ai eu un message de mon oncle Christian et... Yes, and... Non, non, laissez tomber. Merci pour l'argent. C'est un cadeau tombé du ciel. Je vous claque la bise, va. Mythographie de Yann Corridian et Sophie Quintan. Sixième épisode. Avec Lara Brühl, Guillaume de Tonquédec, François de Bloch, Thomas Sagols, Sheila Corentissot. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Bernard Laniel. Emmanuel Armin. Yaël Mandelbaum. Laure Egoroff.